Beach Volley Beach. Ready guys? C'est le sable, c'est l'été, il est en montée au filet. Tu as mis ton bikini, le service est compris. Beach volley beach, quand tu lances le ballon. Beach volley beach, tu fais craquer les garçons. Beach volley beach, quand tu lances le ballon. Beach volley beach, tu fais craquer les garçons. Lorsque tu frappes le cuir dans mon canapé, je transpire avec une petite pression. Je suis à toutes tes réceptions. Beach volley beach, il faut vraiment pas être moche. Beach volley beach, pour réussir toutes tes smash. Beach volley beach, il faut vraiment pas être moche. Beach volley beach, pour réussir toutes tes smash. T'as choisi ton plus beau maillot pour aller au JO. Tu connais ton affaire pour troubler tes adversaires. Beach volley beach, un joli petit décolleté. Beach volley beach, pour passer à la télé. Beach volley beach, un joli petit décolleté. Beach volley beach, pour passer à la télé. Merci, vive le sport. Vive le sport. Et ça a soif le sport. Alors